peut retravailler hein, ses œuvres. Est-ce que on peut être membre même si on ne dessine pas? Vu qu'on est membre, 100 à 25 dossiers quand même, de projets. Puis on retient quelques-uns. J'ai vu que dans le dernier de front, il y en avait 7 qui avaient été retenus. Et c'est ce qui est quand même... pas pire, là. C'est un quart. Ce que je trouve génial, c'est que c'est... très, très varié comme... comme style de dessin. Comme histoire aussi. Puis la ligne éditoriale est très large. C'est-à-dire, aussitôt qu'il y a un élément de fiction, à ce moment-là, c'est pertinent pour l'édition. Okay. Ça peut être du western, ça peut être de la SF, ça peut être du polar, du fantastique aussi. OK, ils sont vraiment dans la BD de genre. Oui, tout à fait. Okay. BD de genre, c'est ça. Puis ils ont comme objectif de professionnaliser les jeunes dessinateurs, les jeunes BDistes, en leur permettant justement d'être publiés. Et une fois qu'on a réussi à être publié, retenu, autrement dit, démocratiquement par l'ensemble des membres, trois fois dans le front, qui est la publication annuelle, à ce moment-là, on a l'opportunité de publier d'une manière autonome un livre à soi. OK. Hein, ce qui a donné lieu à une nouvelle collection qui s'appelle Anticyclone. OK. Donc, on a deux pans. Il y a le front, qui est un collectif, et... ça fait que dans le front, on peut avoir plusieurs propositions et on a des livres à part dans l'anticyclone. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le président de l'organisme, Julien, a écrit, ça fait au mois de novembre dernier, il a publié l'été Oni, qui est un livre à la couverture vraiment magnifique, je l'adore. Oui. Et puis, ce livre-là est... je le dis en passant, est en nomination là, pour le prix du meilleur premier album de bande dessinée au BDS. Est-ce que tu as eu le temps de feuilleter le front? Là-dessus, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont tombé plus dans l'œil que d'autres? Bien sûr. C'est l'intérêt de la chose aussi. C'est qu'il est tellement varié que chacun y trouve son compte. Là. On a une bande dessinée qui se passe quasiment en Deuxième Guerre mondiale, par exemple, avec des dessins assez épurés. Il y a d'autres, les dessins sont très, très, très minutieusement dessinés, là, bien tracés. En fait, le front, comme je le disais tout à l'heure, c'est le septième numéro qui vient de paraître. C'est ouvert à tous les Québécois. C'est l'avantage d'Internet. Je trouve que cette équipe-là, à tout le moins, les gens avec qui j'ai parlé, sont très, très dynamiques, sont jeunes, puis ils veulent vraiment que la BD québécoise rayonne sur le territoire. Et ça a l'air d'être un projet qui a quand même l'air professionnel. Parce qu'il y a eu d'autres projets. Tu sais, je pense au Bob, qui était une revue qui était faite ici à Québec, juste la couverture, j'en ai pas vu une qui était attirante. Je l'achetais tout le temps pour soutenir la cause, mais c'était pas nécessairement... Non, on voit que, justement, ils prennent un grand soin de leur couverture. D'ailleurs, la dernière couverture du collectif, le front, c'est à partir d'une illustration d'un roman qui va paraître dans l'autre collection Anticyclone. L'Anticyclone, à quel rythme qui sort des livres? C'est aléatoire ou c'est deux par année? Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est un an. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est annoncé? Oui, il va y avoir ce qui est à venir, c'est l'hiver nucléaire de Caroline Brault. Qui signe CAB, CAB comme artiste. Et ça va être la première fois, je crois, qu'il va y avoir un album en couleur. Et là, on retrouve justement la couverture du front, c'est tiré de cet album-là. Est-ce que tu as pu parler avec eux autres, comment les trouver? Là, c'est sûr, on les trouve ici au Festival de la BD, mais est-ce qu'on peut trouver leurs livres? Ils sont en librairie, ils ont un distributeur. Pourquoi on n'a pas vu ça? Je ne sais pas, moi aussi. On était où, nous? Ça m'a complètement échappé, puisque c'est vraiment, comme je disais, c'est beau. Un projet original. Oui. Il n'y a pas vraiment... Et le format est exceptionnel aussi, parce que ce n'est pas la grosse BD qu'on connaît. C'est vraiment le format livre, peut-être un peu plus grand. Un peu plus grand. Ça fait que c'est vraiment un format qui sort de l'ordinaire. Pourquoi format on l'a pas iPad. Vu? Oui, c'est ça. Tout à fait. Je me trouve un peu poche que j'ai pas vu ça. Vraiment, là. Non, oui. Je suis un peu mal avec ça. Donc, ben, je veux revenir sur l'hiver nucléaire, oui. Puisque le phénomène de publication est assez particulier. L'auteur, qui est Karen Hudreau, l'a publié une planche par, je pense, une planche par semaine, oui. C'est ça. Puis là, les gens s'habituaient à la bande dessinée, et une fois qu'elle a terminé, ils ont toutes recueilli les planches, regroupé les planches avec quelques ajouts pour pouvoir justement en faire un bouquin. C'est toujours plus agréable d'avoir le ben livre. Oui. Écoute, il reste peu de temps, mais j'ai quand même tantôt, tu m'as dit qu'ils offrent des ateliers d'animation. Comment on peut avoir accès à ça? Est-ce que ça s'offre à des écoles ou comment ça fonctionne? Principalement les jeunes, pour les initier à la BD. Okay. C'est des ateliers, comme je vous disais, toutes les informations, vous allez retrouver les contacts sur le site web. C'est des ateliers d'animation. On peut faire aussi la pratique de BD. Mm-hmm. Ils peuvent faire du dessin en direct auprès des jeunes. Ils sont bien, sont vraiment bien. Comme je disais, leur objectif, c'est de professionnaliser les jeunes qui font de la BD. Et c'est une manière de faire part de leur professionnalisme, d'aller enseigner, de montrer qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment bien. Sérieux, là, je suis ravie de ta découverte. Je vais vous donner quand même le... Oui, le site web, le s'il site vous plaît. Web, c'est très simple. C'est front froid, en un mot, froid comme la froidure, .com. Parfait. www, j'imagine, oui, avant. Oui, tout à fait. Écoute, de toute manière, je vais le mettre sur la page Facebook. Fait qu'on peut tout trouver là, pour ceux qui n'ont pas suivi là. Tu sais, il y a les couvertures, je sais que j'ai vu que tu me les as envoyées. Fait que... Je veux vous dire aussi que le prix est très raisonnable. C'est 15$ par BD. Ah, c'est vraiment pas cher. Ici, moins au Salon du Livre. J'ai mais pas c'est pas cher pour une BD? Non, c'est vraiment pas cher pour le travail qu'il y a là-dedans. Ben, c'est ça. Et tu sais, il y a des BD de ce format-là que j'ai déjà payé 35, 40 ouais, et plus. Oui, et peut-être de moins bonne qualité aussi. Oui. Donc, je vous encourage. Et pas québécois. Les gens qui sont ici au Salon du Livre, je vous encourage à aller les voir. Ils ne sont pas très difficiles à trouver. Vous rentrez, vous tournez à droite et c'est dans l'allée du fond. Merci, Jacques Vaillancourt. Ben, ça m'a fait plaisir. On revient dans une minute. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre, toujours avec Bert Morin, et je suis accompagnée de J. Lévesque. J. Pas d'autre nom. Gérard. Non? Ah, et c'est encore. On ne le dit pas. Ça s'appelle Je ne le répéterai pas. Et c'est un livre performance. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Tu répètes aucun mot ou presque. Tous les noms, verbes, adverbes et adjectifs dans cette histoire sont utilisés une seule fois chacun. Sauf être et avoir, j'imagine. Pour des auxiliaires, t'as pas le choix. Prends le verbe être, pour exemple. Le seul endroit où tu le retrouves, c'est à la page 2. Nulle part ailleurs, il n'apparaît. Hey. Il ne reviendra même pas en auxiliaire. Tabarnouche. Ah, c'est un record mondial que tu as entre les mains. Il est reconnu par la Chine, le gouvernement de Hong Kong. J'ai reçu 4 autres distinctions de l'Inde, une également des États-Unis. D'ailleurs, ces distinctions me seront remises ici à l'occasion du Salon international du livre de Québec sur l'espace Jeunesse des Jardins demain à 16h30. OK. Ça va retenir. Et je vois qu'il y a même un film qui a été fait à partir de ça. Oui, ce best-seller, ce suspense à l'ambiance mystérieuse a été adapté au cinéma. Et le film était, lui, de la sélection officielle lors du Festival des films du monde. Ça, je me suis bien amusé. Je me suis métamorphosé en cinéaste. OK. Ah, pour vous offrir un prolongement de ma vision initiale de romancier. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé l'objectif de la caméra comme un miroir pour en refléter l'essence des caractères. OK. Alors, le film, c'est un complément, si on veut, au roman. Il y a des détails dedans plus développés que dans le livre. L'inverse aussi. C'est quoi l'histoire? Oh, suspense. Une histoire intrigante, à l'ambiance mystérieuse. Je ne le répéterai pas, est une histoire intrigante à l'ambiance mystérieuse à travers laquelle évolue la trame d'un scénario mettant en scène un écrivain en quête d'inspiration. Oui, parce que j'ai vu ton nom est dedans. Là, ah oui, j'adore les mises en abîme et j'ai fait plusieurs clins d'œil à la réalité dans ce roman. Je trouve que ça permet de créer un lien supplémentaire entre l'auteur et le lecteur. Mm-hmm. Eh bien, ce fameux écrivain sera entraîné par un bizarre enchaînement d'événements qui transformeront son existence. Tout changera lorsqu'il acceptera une proposition qui bouleversera son univers et le fera basculer dans un monde psycho, sexy, léché, étrange. Tu vois, un genre de théâtre délirant où d'énigmatiques personnages se cachent derrière des identités qui nous échappent. OK. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce roman, c'est que non seulement c'est un divertissement, mais il dépasse cette sphère. OK. Lire ce roman permet de décupler la mémoire. Comme c'est la première fois que notre cerveau peut goûter à autant de mots différents dans un tel condensé cohérent, une première expérience cérébrale du genre stimule notre mémoire sémantique comme jamais auparavant. OK, ça fait que toi, tu travailles en même temps pour le lecteur. Ah oui, mais moi, ma formation est scientifique, je suis un pataphysicien, alors j'explore les possibilités du langage justement pour offrir une dimension supplémentaire à l'expérience même de lecture. Il résulte de la lecture de ce roman un phénomène de neurogenèse, c'est-à-dire la naissance de nouvelles neurones, et ça sans aucun effort. Là. Avec le plaisir de se divertir, vous allez voir, les afflux nerveux véhiculés par vos synapses sont augmentés et une amélioration des connectivités et de la plasticité neuronale. Mais c'est complètement fou. Toi, t'es tout le long au salon. On peut trouver ce livre-là en librairie. On trouve ça où? Ah oui, en librairie, mais j'invite les gens à venir me rencontrer au salon, car moi, si je suis ici, c'est que j'aime voir les yeux qui vont se poser sur mes écrans. Parce que moi, je t'ai vu, je pense qu'à chaque fois que je t'ai venu, je t'ai vu passer, t'étais là hier midi, t'étais là hier soir, t'es là. J'ai participé, tu sais, à une 60aine de salons du livre, autant régionaux, nationaux qu'à l'international, et ça devient très paradoxal parce que je passe mon temps à répéter aux gens que je ne répète pas. Ah! C'est vrai, hein? Oh oui, totalement. Ça fait que... Mais on le trouve aussi en librairie. Oui, absolument. Et t'as apporté un autre livre. Ça, c'est quoi? Ouais, je suis venu faire la présentation de ma plus récente création. Imaginez la quelle idée. On retrouve dedans 3 de mes écrits, notamment « Au clair du cristal », un titre pour lequel on m'a remis le prix du récit Radio-Canada semi-finaliste. Il y a également dans ce livre « Imaginez la quelle idée ». Un autre lauréat littéraire, et s'ajoute à ces deux titres, Imaginez l'Aquilidée. Et ça, c'est très amusant, c'est un autre clin d'œil. Ceux qui m'ont rencontré dans le passé vont pouvoir même se reconnaître dans cette histoire. Lors d'une rencontre inattendue, un dialogue s'amorce et une étrange conversation lira les propos de deux inconnus. Alors, c'est la thématique pour Imaginez l'Aquilidée. Dans Il y a l'oubli, il erre dans un vide à la recherche d'une mémoire vagabonde. L'absence des souvenirs lui rappelle qu'il a oublié les fragments d'un passé qui ne semble plus lui appartenir. Son identité lui échappe, le jeu ne répond plus, alors il reste qui? C'est le point d'interrogation dans « Il y a l'oubli ». Et pour « Au clair du cristal », cette trame dévoile les émotions d'un peintre qui retrouve les couleurs de ses souvenirs, des mémoires teintées qui témoignent de fragments d'une vie où s'allient à des événements séquentiels les délicats frissons de quelques flocons. C'est magnifique. Je te remercie. Ça fait que j'invite tout le monde de venir te voir ici au salon et sinon se rendre à une librairie. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci infiniment. À la prochaine. But not the kind I would have liked. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours sur les ondes de CKRL, Berberenko au microphone. Je suis maintenant accompagnée de Laurane Kantrick. C'est ma seule invitée de l'étranger. Ouh. Sinon, je reçois que des Québécois. Vous êtes en résidence ici, à Québec. Vous êtes bordelaise. Pourquoi le Québec? Est-ce que vous avez fait une demande pour venir spécialement ici? Alors, en fait, c'est une résidence croisée qui existe entre l'Institut canadien de Québec et l'Éclat à Bordeaux, en Aquitaine. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une résidence Québec-Aquitaine. Mm-hmm. En fait, elle existe depuis plusieurs années pour les BDistes, mm-hmm. cette résidence, et elle s'est ouverte pour la première fois cette année aux auteurs jeunesse, mm-hmm. aux auteurs et illustrateurs jeunesse. Donc, maintenant, ce sera une année sur deux. Auteur jeunesse, une année sur deux BDistes. Oui, parce que votre spécialité, c'est jeunesse. Vous dessinez pas pour les adultes, pas encore. Ça m'est arrivé dans 2-3 collectifs, mais c'est pas du tout ma principale occupation en illustration. Donc. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis 2007, je suis à mon compte. Et, ouais. Et vous êtes vraiment, vous pouvez vivre de ça? Vous n'êtes pas obligé d'être professeur ou libraire? Je fais plusieurs autres choses à côté. Je fabrique des marionnettes, par exemple, à film ouais. que je vends aussi. Je participe à des expositions vente de tableaux. Je suis aussi plasticienne à côté. Je travaille pour la papeterie, donc je fais des cartes mm-hmm. postales, des cahiers. Enfin, je fais plein de petites choses. Oui, je vois. C'est pas différent en France d'ici. Non. Parce que là, j'étais là, coudonc, ils peuvent vivre là-bas de ça. On déménage tous. Il faut être une grande star. Comment vous trouvez ça ici au Québec? Je trouve ça super. Je connaissais Montréal, j'étais déjà venue faire un stage à Montréal mm-hmm. il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant. Mais j'aime beaucoup Québec, que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est une très belle ville. Mm-hmm. Et le milieu littéraire, est-ce que vous avez occasion... de connaître un petit peu Oui, alors j'ai rencontré quelques auteurs, illustrateurs dans la BD, et puis j'ai rencontré la résidente québécoise qui va partir à Bordeaux à la rentrée, puisque c'est une résidente croisée. C'est Valérie Boivin, que je ne connais pas. Auteur jeunesse, voilà. OK. Qui donc, elle part en septembre-octobre à Bordeaux. OK. Voilà. OK. Qu'on parle un petit peu de vos livres. Vous avez apporté Un ami qui est vraiment un album que vous avez écrit et dessiné, et Le mangeur de son, où là les textes sont de Christos et vous fournissez les illustrations. Vous n'êtes pas juste dessinatrice. Vous faites des collages aussi. Voilà. Le mangeur de sang. C'est beaucoup des collages, c'est ça. C'est, en fait, je, ben, comme je vous disais, je suis aussi plasticienne et je pense que ça se retrouve dans les illustrations que je fais. C'est-à-dire que j'aime bien changer de style et adapter le style aussi, la technique, j'ai envie de dire, à ce que m'inspire le texte. Oui. En fait. Voilà. Donc, le mangeur de sang, c'est l'histoire d'un ogre qui mange les bruits. Donc là, il y a beaucoup de collages avec du papier de musique, beaucoup de détails. Est-ce que le texte était là avant ou le dessin? Comment vous travaillez quand vous travaillez avec un écrit, avec un auteur? Alors là, le texte était là avant. Okay. Pour ce livre-là, ça change. C'est pas toujours la même chose. Pour ce livre-là, l'auteur m'a contacté avant de trouver un éditeur parce qu'il voulait que il je voulait fasse les illustrations de ce texte. Voilà. C'est quand même bien, ça. Ouais, c'est pas mal. Hein? C'est un petit velours, ça. C'est assez chouette. Dans un ami. Vous posez dernière question, c'est quoi l'amitié? Qu'est-ce qui vous a apporté à faire cet album-là? Parce que ça s'adresse, j'ai l'impression que ça ratisse l'âge. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et j'ai plus de jeunes enfants. Et... Ben, ça me fait plaisir. Oui, ben voilà, l'amitié, de toute façon, ça ratisse large, hein, on va dire. C'est ça. Exact. Ben, en fait, cet album-là, ça devait être un album sans texte au départ. Donc, juste l'histoire de la petite fille qui n'a pas d'amis, justement, et qui s'invente cet ami imaginaire qui finalement va l'amener vers les autres. Et en fait, j'ai fait des ateliers avec des enfants sur le thème de l'amitié. Et là, ils m'ont donné je leur ai demandé ce que c'était pour eux un ami. Et dans les réponses que j'ai eues, de la plus simple à la plus originale, on va dire, bah, je me suis dit, bah, ça pourrait être ça, en fait, le texte de ce livre-là. Pas une histoire, mais un ami, c'est ceci, un ami, c'est cela. Il y a des moments très touchants et en même temps, d'autres moments très drôles. Oui, bah, c'est ça, un ami aussi, hein, oui, dire. C'est ça. Il y a beaucoup aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre conte, ce qu'un ami n'est pas. Parce que vous parlez aussi de... En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, de l'intimidation, de l'abus de l'amitié, des choses qui se font. Est-ce que c'est les enfants qui vous ont rapporté ça ou ça, c'était votre besoin de le rapporter? Les enfants m'en ont parlé, mais plutôt de manière intermédiaire, c'est-à-dire en me disant un ami, c'est quelqu'un qui répète pas les secrets, par exemple. Voilà, en me donnant une définition négative, mais finalement qui était positive pour l'amitié. Moi, je suis partie de la petite fille qui se sent seule au départ, justement, et je trouvais que c'était intéressant de mettre une définition de ce que c'était un ami. Par exemple, un ami, c'est quelqu'un qui veut être avec nous quand elle est seule sur sa balançoire, par exemple, parce que ça renforce l'idée de, justement, de solitude et d'amitié. Moi, je voulais juste, en départ, c'est marrant parce que c'est comme ça que des fois ça se fait les albums. Je voulais juste parler d'un ami imaginaire, en fait, de cette faculté que les enfants ont à se fabriquer un ami imaginaire. Du coup, j'ai trouvé cette petite histoire de petite fille seule avec l'ami imaginaire qui l'emmène vers les autres. Et puis tout a découlé comme quand on tricote quelque chose, en fait, de ça, de parler du sentiment de ce qu'est un ami, de ce qui n'est pas un ami, justement. Comme vous le dites bien, moi, je trouve ça important. Oui, c'est important aussi que les enfants comprennent. Et puis on leur dit, faire passer le message que chacun a sa propre définition de l'amitié et chacun se fait son ami idéal en quelque sorte. Avez-vous une préférence entre le dessin et le collage ou c'est un besoin Non, j'ai pas de préférence. Je dirais que ça dépend vraiment des circonstances du moment et, comme je disais, du texte. Okay. En fait, ça vient un peu tout seul. Le texte m'inspire soit des collages, soit du dessin plus. Mais j'aime bien changer, en fait, aussi. Je me lasse pas comme ça. Je comprends. C'est déjà tout le temps qu'on avait. On va partir en pause. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Vous restez encore combien de temps? Jusqu'à fin avril. Jusqu'à fin avril, vous auriez pas vu l'été ici? Non, mais j'ai vu la neige et je suis contente. Hein. Moi, au moins, je suis contente. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Merci. CKRL remercie la Caisse d'économie solidaire Desjardins, partenaire de premier plan du Radioton de CKRL. La Caisse d'économie solidaire soutient près de 3000 coopératives et organismes sans but lucratif partout au Québec. De plus, elle conseille plus de 15 000 citoyens comme vous en matière d'investissement socialement responsable. À quoi sert votre argent? La Caisse solidaire vous invite à diversifier votre portefeuille. Faites comme Laure Varidel, la cofondatrice d'Équitaire, épargnez là où ça compte vraiment. Découvrez le placement à rendement social en visitant le www.caissesolidaire.coop. ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des Congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque, dont l'auteur de Game Over, Adam, et le second père de Spirou, Jean-Claude Fournier. Venez nous rejoindre en direct au Centre des Congrès le vendredi 11 avril dès 17h30 ou écoutez-nous en direct au 89.1. Du 9 au 13 avril, le 27e Festival de la BD francophone de Québec vous invite à une foule d'activités et de rencontres. Spectacles, expositions, impro BD, animation jeunesse et dédicaces. Venez rencontrer plus d'une centaine d'auteurs du Québec et d'ailleurs. Découvrez toute la programmation au fbdfq.com. Allez-y pour voir! Chaque lundi, 18h30, Maison Thaïlandaise est heureuse de commanditer l'émission « Les bouquins d'abord », animée par Barbel Rink. Du livre papier au livre numérique, « Les bouquins d'abord », c'est pour les bibliophiles enthousiastes en vous. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Trois adresses pour vous accueillir. Au 3, boulevard René-Lévesque Est, à Québec, coin de Salaberry. 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chicho Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Notre chef vous concocte avec amour un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le tout orchestré par un personnel attentionné et sympathique. Profitez de nos spéciaux tous les midis et découvrez l'harmonie des tables d'hôtes le soir. Surveillez également nos rabais dans le Passe-partout Bonne Chère. Pour réservation, 418-525-6161, menu disponible sur chichocafé.com. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des Congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Oui. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre. Barbe Rank au microphone. Je suis accompagnée de Milena Babin. Bonjour, Milena. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de la bonne invitation. T'as couru pour arriver à temps? Oui. Tu viens nous présenter ton premier roman, Les fantômes fument en cachette. Très belle couverture d'ailleurs. Merci. Ça, c'est David Drummond qui a été engagé en fait pour faire les C4 de tous les livres de la collection K numéro 5. Je suis très, très reconnaissante. C'est vraiment beau. Oui, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est toi sur la photo? Non. Mais ça ressemble, hein? Ben, blonde. Non, j'ai pas de pomme d'Adam, moi, au dernier moment. Ah, nouvelle, OK. C'est un androgyne que je ne connais pas. Oui, oui. Non, c'est vrai. Je regarde. Non, pas vraiment. ton livre, c'est un triangle amoureux. Ouais. Il y a une voisine qui, d'une certaine manière, prend soin du personnage principal et lui fait des bons biscuits. Oui, des sablés. Quand est-ce qu'on est adulte? Quand est-ce qu'on est adulte? C'est une question que je me suis posée quand j'ai lu ça. Oui, ben c'est une question que je me suis posée en écrivant aussi. Effectivement. Oui, hein? Ouais. Je pense qu'on se lève un matin puis on sait qu'on est adulte. Mais derrière ça, il y a toute la question de est-ce qu'on veut être un adulte? Je pense que les gens ont beaucoup soulevé cette question-là en lisant mon livre. Moi, c'était pas nécessairement la chose qui ressortait le plus quand j'ai écrit. Mais tu sais, j'ai un côté très, très, vous l'avez remarqué en lisant, un côté très, très gamine, teenage, mm-hmm. auquel je tiens beaucoup. Je pense que si en fait, je suis pas capable de répondre à cette question-là, ça doit vouloir dire que j'en suis pas encore une. Mais ça fait partie de mes projets, tu sais. Je me considère pas comme une éternelle adolescente, pas du tout. Moi, mais il faut marquer, on peut avoir 25 ans dans sa tête toute sa vie, hein. Ouais, ça enlève rien. Mais je t'écoute et j'ai l'impression que... on dirait que tu penses être gamine, exclue d'être adulte. Est-ce que ça s'exclut vraiment? Non, ben j'espère que non, en fait. J'espère que non, mais je dirais même que les gens autour de moi qui ont le... Que, que qui ont vraiment la petite fibre enfantine, mm-hmm. c'est des gens, c'est mes amis qui sont les plus vieux dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Donc peut-être que c'est quelque chose qui revient avec le temps. Peut-être qu'à un moment donné, on retombe en enfance. Ouais, tu sais, il me semble qu'à 20 ans, on essaie d'être bien adulte, puis de faire nos affaires, puis se lancer. Puis à un moment donné, en tout cas, moi, du haut de mes 25 ans, là, je me rends compte que je suis encore très, très, très, très gamine. Puis il n'y a effectivement pas de mal à ça. L'autre question que je me suis posée, c'est quoi le vrai amour? Je mets le vrai entre guillemets un petit peu que la question se pose hein, dans ce roman-là, c'est quoi le vrai amour? Moi, j'ai un peu, je l'ai connu, je suis absolument pas blasée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même de mon âge, qui ne croient pas à l'amour et tout. Moi, je suis absolument pas, je me range absolument pas de ce côté-là. Non, j'avais pas l'impression lu du tout, du tout. Du tout, du et tout. Et je trouvais ça très... Ça, c'était rafraîchissant quand même, qu'il y avait comme un... On sentait là, qu'il y a cet espoir, cette croyance. Oui, il y a un côté cynique, là, un peu limite désabusé souvent, des fois. Souvent, mais, oui, souvent, oui. Mais non, puis qu'est-ce qu'il y a? Et un des personnages le porte, ce cynisme-là. Oui, bien Maeve. Oui, absolument, oui. Absolument. Mais qu'est-ce qu'est l'amour? Moi, je suis encore vraiment en quête de ça. J'ai de la misère, moi, à mettre des mots sur les choses, sur les sentiments. Je trouve que... Puis ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Je trouve que dans la vie, il faut tout mettre dans les petites cases. Il faut mettre un mot sur tout. Donc, je rencontre quelqu'un avec qui je vais avoir une certaine affinité. Il faut tout de suite que je décide, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Puis je pense qu'on... Est-ce qu'il faut faire ça? Bien, on a ce réflexe-là, parce qu'on essaie, j'imagine, on essaie de comprendre, on essaie de catégoriser. Ça fait partie de la nature humaine. Mais est-ce que c'est bien? Non, je dirais pas nécessairement. Si on était peut-être plus à l'écoute de nos sentiments, on finirait peut-être par trouver autre chose ou autre couleur, je sais pas. Mais qu'est-ce que... Te laisser le temps aussi? Ouais, se laisser le temps. Puis c'est je pense que ça se passe beaucoup dans l'écoute de l'autre et de soi-même. Mm-hmm. T'sais, quand on rencontre une personne qui vient nous chercher, t'sais, prendre le temps de se demander qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne-là. Pas juste « Ah, ben voilà, j'ai des papillons, je suis amoureuse. » T'sais. Moi, il y a des gens qui m'interpellent de différentes façons, aussi fortes que l'amour, si je peux me permettre, mais c'est absolument pas de l'amour, tu sais. Mais je pense qu'on aurait avantage à avant de mettre tout de suite un mot, puis mettre que la sanction tombe, je pense qu'on pourrait prendre le temps de se poser vraiment la question. Mais c'est une trop grande question pour Mylène Lavin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est l'amour? Je peux pas... Non, je sors toujours les questions que je me pose quand je lis un livre. Oui, des questions qui m'arrivent comme ça. Oui. Le rapport avec cette voisine-là, donc avec, pas la génération des parents, mais des grands-parents, parce qu'on s'entend que c'est à peu près la différence d'âge qui existe. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça apporte autre que la génération des parents? Moi, en fait, j'ai été barista, j'ai arrêté l'école pendant 2 ans pour terminer pour écrire, en fait, ce roman-là. Puis, je travaillais temps plein dans un café, donc 3 fois par jour, t'as des personnes âgées, des octogénaires, des retraités qui viennent prendre leur café. Puis j'ai eu des... Tu sais, c'est la grande sagesse, là. Tu sais, des belles discussions, des belles conclusions, des gens qui ont vécu du beau, du moins beau, tu sais, l'expérience. Puis ça, je me suis rendu compte que Colin, là, il me reste juste une grand-mère, tous mes autres grands-parents sont décédés. C'est vraiment quelqu'un, je trouve qu'on délaisse les personnes âgées dans notre vie, dans notre mode de vie finalement, mais on a tellement à apprendre, c'est des gens qui, juste par rapport à l'amour, tu sais, j'ai eu des discussions incroyables avec des personnes âgées qui sont passées par, ils savent c'est quoi une peine d'amour, ils ont eu plus de peine que toi, tu peux pas leur tirer une larme avec tes petites histoires de cœur à 20 ans, ils sont passés par tellement autre chose, puis c'est ça, je pense que c'est vraiment la voie de la sagesse, puis de la... Je dirais pas une certaine résiliation, mais ils ont une position par rapport à la vie puis à l'amour. Ils ont tellement de recul qu'ils sortent. Il me semble qu'ils sortent une idée complètement synthétisée de ça. Puis ça fait beaucoup. Ça m'a beaucoup fait avancer. Donc, Est-ce qu'on retrouve des éléments de personnes que tu as rencontrées vraiment, de ces personnes âgées, ou est-ce qu'il y a un amalgame? Je dirais que le nom et le nom de famille de l'octogénaire, ça vient en fait de clients du café, 2 clients mélangés. Okay. Puis sinon, pour tout ce qui est de la maladie, en fait, Muriel fait des anévrismes dans le livre, et ça a été, j'ai écrit ça pendant que ma propre grand-mère en faisait. Donc, okay. C'est vraiment, ça a été ça. Et ça, c'est lourd, non? J'ai l'impression que c'est peut-être plus lourd pour les petits-enfants, pour avoir passé par là. Je n'ai plus de grands-parents. Ouais. Et j'avais toujours l'impression que j'étais plus affectée que la génération des parents qui s'attend à ça. Oui, ben je dois dire que je m'attendais à ça aussi. Puis j'ai eu la chance, j'avais une grand-mère vraiment extrêmement zen avec la vie et avec la mort qui était prête à partir. Mm-hmm. Puis donc, ça n'a pas été trop pire. Oui. L'amitié. L'amitié, c'est aussi une grande question. Parce que, oui, c'est comme l'amour. C'est, de mon point de vue, je pense que je suis plus la génération de tes parents. C'est peut-être même plus important que l'amour. L'amitié, là, à l'âge que tu as, qu'est-ce que ça a comme importance? À quel point que... Bon, on voit bien que ça a influencé le livre. Mm-hmm. Bien, moi, je suis une personne très, très, très solitaire. Donc, toute ma vie, mm-hmm. j'ai eu quelques amis vraiment clés, des personnes ressources. Mais je dirais que ça fait, depuis, en fait, c'est toujours un bien pour un mal, depuis mm-hmm. ma séparation, je me suis vraiment entourée d'amis. Puis là, il me semble que ça a été exponentiel. Je me suis rendue compte, mais j'en ai donc bien, tu sais. Donc, c'est encore tout nouveau. Oui, c'est très, très présent dans le livre, ouais. cette relation-là fusionnelle et tout. Mais c'est encore très, très nouveau pour moi, l'amitié, je ne veux pas dire que j'ai pas eu d'amis, là, ouais. mais d'en avoir autant de gens vers qui se retourner, de ouais. choses avec qui partager et tout. Mais oui, je dirais que c'est aussi là maintenant, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 2 ans, mais là maintenant, je trouve ça aussi important que toutes les autres relations, en fait, ouais. que l'amour ou que n'importe quoi. Tu sais, n'importe quelle relation qui te nourrit quand tu es prêt à faire un bout de chemin avec quelqu'un, à donner et à recevoir, tu sais, c'est... C'est extraordinaire. C'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est fou, hein? Merci, Milena Babin. Merci pour ce beau livre, Les fantômes fument en cachette, chez XYZ. Est-ce qu'on peut te rencontrer au salon? Oui, absolument. Je ne connais pas mon horaire par cœur, mais c'est... Mais c'est... on le trouve dans la programmation. Oui, oui, oui, absolument. Puis ce soir, je suis là à 5h30, je pense. Là, mais... Oui, ça, je l'annonce tantôt. Ah, dans allez, voilà, livre. Voilà. Okay. Fait que ça va se dire merci, tantôt. Merci, bon merci. Salon. Merci, bye. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du livre d'Arbrenck au microphone. Je suis maintenant compagnée de Bach. Bonjour. Bonjour. Bach n'est pas le musicien. Estelle Bachelard, de votre vrai nom, vous venez de nous livrer « C'est pas facile d'être une fille ». Et c'est une BD, on suit Estelle, finalement. Oui. Est-ce que c'est vraiment un alter ego? Oui, c'est assez inspiré de ma vie, en effet. Ouais. Oui, oui, c'est moi. Moi, ce qui m'a frappée, c'est le mélange de légèreté. Là, on tombe dans des questions. Est-ce que je m'achète un énième paire de souliers ou de vêtements? Et en même temps, par rapport aux autres, quand même une certaine profondeur, je pense au rapport avec le chum qui prend des cours en comment dealer avec les filles. Comment vous avez monté ce projet-là? Ça part d'où? Moi, à la base, je suis une blogueuse. Quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup des blogs sur Internet, évidemment, des Françaises qui en faisaient des histoires un peu comme ça, de leur quotidien, qui parlaient un peu de tout leur problème quotidien de filles. Mm-hmm. C'est ça. Puis quand j'étais adolescente, j'ai décidé de commencer un peu à faire ça avec mon personnage. Ouais. Puis c'est ça, avec le temps, l'année dernière, en fait, j'ai sorti ma page Facebook, où j'ai vraiment commencé à abonnée, les publier. Oui, et ça, c'est une de mes questions tantôt. Oui, bon. On va retenir à ça. C'est ça, puis ça m'a permis de continuer encore à les faire. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à vivre ces problèmes-là, puis un peu de le quotidien, c'est ça, là. Donc, c'est un peu à partir de ça, là. Mais ce mélange-là, c'est vraiment le mélange que vous vivez, ou c'est romancé quand même? C'est un peu exagéré, mais il y a beaucoup de situations que c'est la réalité quand même, là, en tout cas à la base. Mais c'est qui votre chum? C'est génial, là, oui. À prendre des cours comme ça. J'en connais peu de gars qui font ça. Pour vous, est-ce que des questions... Moi, c'est des questions que je me suis posées. C'est quoi d'être une fille aujourd'hui? Votre âge, vous êtes dans la vingtaine. Oui. C'est quoi? Parce que moi, il y a des choses... J'ai 30 ans de plus, je me retrouve pas nécessairement dans ce genre d'être fille. Oui. Il y a des choses que je vois qui sont améliorées, mais il y a d'autres où je me pose des questions. Pour vous, c'est sûr que c'est tout naturel, mais est-ce que vous y réfléchissez des fois? Comment votre mère a pu vivre ça, ou vos tantes, ou... Ben, c'est une très bonne question. Je m'étais pas vraiment posé la question. Mais c'est vrai que ben, vous parlez de ma mère, en fait. C'est drôle parce que, je veux dire, on la voit une fois dans la bande dessinée, puis je suis vraiment son portrait craché. Là. Je récupère son un peu sa folie, là, un peu sa, sa passion pour les souliers, tout ça. Là. Ouais. Mais être une fille aujourd'hui, beaucoup de pression, je crois, sur les filles. Moi, je vois ça un peu comme ça. Il faut... faut être capable de tout faire. Faut quand même toujours être à notre meilleur, avoir une bonne carrière, puis là, avec la suite, avoir les enfants et tout ça, et être capable de faire à manger et tout ça. La pression de la superwoman. Oui, c'est ça. Donc peut-être, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aujourd'hui, là, c'est ça, la pression. Avez-vous l'impression qu'il y a de la place pour lâcher un petit peu? Ben j'espère que oui. Oui, moi, je crois que oui. Faut se laisser aller, puis s'assumer en tant que femme, là, puis vraiment prendre comment dire, c'est pas parce que on est une fille qu'il faut nécessairement aimer justement le rose puis les souliers, là, on peut autant s'assumer, autant ça pourrait être la mécanique. Puis tu sais, j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo aussi, là, ça porte pas de bien. On peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui, finalement. Ça, c'est un des avantages que je vois. Ouais. Parce que la pression, moi, je trouve que vous en vivez plus. Je suis pas contente de laisser à mes filles un monde comme ça. Une petite dernière question. Oui. L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui était là avant? Le dessin ou le texte? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Évidemment, je m'inspire de ma vie. Hein. Donc, c'est toujours une petite anecdote que je vois, que je note. Mais automatiquement, je vois toujours ma vie en bande dessinée un peu. Moi, tout de suite, Ça fait que c'est vraiment le dessin qui est là en premier, d'une certaine manière. C'est sûr qu'à la base, le dessin était là. C'est sûr que c'est par ça que j'ai commencé. Mais c'est sûr que dès que je vois une situation, c'est tout de suite, je me dis, ah, c'est vraiment drôle. Comment je pourrais le faire pour le mettre en bande dessinée? Puis comment sortir ce qui est drôle, puis du côté comique, là. Mm-hmm. Merci, Bac. Ben, merci beaucoup. On peut voir votre photo et l'image sur la page Facebook des bouquins d'abord. Et je vais mettre un lien aussi vers votre page Facebook, qui, d'ailleurs, est des fois un peu plus politique et jaillit pas ça. Oui, des fois, je me... C'est très, très bien. Je vous remercie pour beaucoup. Ça. Merci. Thank you. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord sur les ondes de CKRL, toujours avec Barbara Henke. Je suis maintenant accompagnée de Sylvie Nicolas. Bonjour Sylvie, ça va bien? Ça va très très bien. C'est ta deuxième journée de salon ou c'est la première? Non, c'est la deuxième. C'est rough, hein? Est-ce que tu te ranges jusqu'à dimanche? Je me range jusqu'à samedi soir. Je t'en vis pas. Tu viens nous présenter ton petit dernier, Les variations Burroughs, mais tu as tout une carrière derrière toi. Moi, c'est le premier livre que je lis de toi et t'as fait quoi d'autre avant? Mets-moi l'eau à la bouche pour que je retourne aux autres. J'ai fait un peu toutes sortes de choses. Hein. Moi, en fait, la façon dont j'ai pénétré, si tu veux, la littérature, c'est pas en pénétrant un genre en particulier. Je suis pas allée comme directement du côté de la littérature jeunesse ou directement du côté du récit ou du roman. Ce qui m'intéressait, et c'est probablement très, très près de ce que je suis comme personne, c'est de traverser les genres. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très varié. Je couvre, je dirais, de la littérature jeunesse en passant par le récit, en passant par l'essai, jusqu'à la réflexion sur le théâtre. Et bien évidemment, avec les variations Burroughs, j'arrive à mon 30e ouvrage, mais j'ai également, et je le fais toujours, fait de la traduction littéraire. Donc, nécessairement... Tu traduis de l'anglais? Je traduis de l'anglais au français, et en poésie, je traduis du français vers l'anglais occasionnellement à la demande de certains poètes. Oui, oui. Mais en fait, c'est tout ça pour dire que mon parcours réel, fondamental, la ligne qui suit tout le parcours, c'est la poésie. Donc, que ce soit pour la jeunesse, en allant jusqu'à la réflexion ou l'essai, ce qui m'intéresse, c'est de maintenir ma fibre poétique. Donc, le rapport aux mots. On va arriver aux variations Burroughs, qui n'est pas un roman. Non. C'est écrit, c'est un récit. C'est fou, hein? Je l'ai lu comme un roman, moi. En fait, j'ai envie de dire... Et pour toi, la différence est où? La différence se situe à l'intérieur de moi, où je pense sincèrement que je ne suis pas une bonne conteuse et donc incapable d'être une romancière. OK. Je reconnais ça chez moi comme étant quelque chose que je ne ferai jamais. Je ne suis pas capable d'écrire du roman. Ben, je le dis comme ça et les gens se moquent de moi, mais oui, j'arrive à maintenir des fils qui vont tracer des histoires, mais c'est davantage fait à la façon du récit, je dirais. OK. Fait que, est-ce qu'il y a un côté autobiographique? Ah, très certainement. Surtout dans les variations Burroughs. Je t'avoue, ce livre-là, je l'ai pris un peu en main à contre-cœur. J'haïs Burroughs. Oui, moi aussi. Pourquoi t'as appelé ça comme ça? Parce que je pense qu'on est une gang, surtout des femmes qui ont beaucoup de mal avec Burroughs. Bien évidemment, il a assassiné son épouse avant de devenir écrivain. C'est comme pas sympathique, hein? Ça part mal. C'est une petite retenue déjà là en partant. On n'a pas nécessairement le goût de découvrir l'homme ou l'œuvre. Non, non, exactement. En fait, pour une raison qui m'appartient profondément, je suis assez découragée par les temps qui courent du type de société dans laquelle on est, où la spectacularisation en particulier est mise de l'avant. Burroughs, à mon avis, est le premier élément de spectacularisation de soi. Et donc, c'est une façon pour moi de... J'ai utilisé le terme Burroughs comme je l'utilise dans mon quotidien pour désigner quelque chose qui, finalement, crée une faille ou une fracture chez moi. Donc, ce n'est plus Burroughs, l'écrivain, fondamentalement, que je vois dans le terme. Que le meurtrier. Oui, mais aussi symboliquement ou métaphoriquement, cette fracture qui se crée au sein de l'humain chaque fois, je dirais que la vie est absente ou s'absente de la situation. Et donc, c'est pour ça que les variations sont nommées Burroughs, parce qu'il y a des fractures dans chacune de ces variations-là. Tu l'as construit comment, ce roman-là? Je savais déjà au départ, quand je dis ce roman, excuse, ce récit. Oui, mais tu pourrais dire roman, c'est correct. Moi, je sais que je ne suis pas une romancière, mais c'est correct aussi. Non, mais ça m'a échappé, là, je me suis reprise. Mais je ne t'aurais pas reprise. je l'ai construit avec chacune de ces variations, c'est-à-dire pour chaque fragment et chaque segment, authentiquement placé là où il est là. même si c'est non linéaire comme récit, oui. chacun de ces fragments-là a été écrit dans la suite qui est la sienne mm-hmm. dans les variations. Mais je savais au départ que je ne voulais pas aller vers la linéarité, donc vers le récit autobiographique ou le pacte autobiographique, par exemple, qui impose une certaine linéarité dans le temps, dans la séquence, dans le mouvement. J'avais le goût d'expérimenter un rapport entre l'autofiction, mais également avec, je dirais, la fracture du temps ou l'écriture du discontinu ou l'écriture fragmentaire. Moi, c'est ça ce qui m'a fasciné le plus. C'est, comment je dirais ça? Je sens une très grande portée littéraire, beaucoup plus fort que l'autofiction. C'était vraiment au point où je me suis dit, mais non, elle l'a inventé, ça. C'est, ça ne s'est pas passé parce que tu as travaillé fort sur la langue aussi. En fait, je ne veux pas avoir l'air de ne pas avoir travaillé parce que j'ai travaillé fort, mais quand j'écris, j'entends comme ça dans ma tête. C'est comme ça ouais. que ça s'entend dans ma tête. J'ai une façon d'écrire, je le découvre maintenant après de très nombreux ouvrages, donc je dois apprendre lentement peut-être, mm-hmm. mais j'ai une façon d'écrire qui est très musicale. Qui, OK. C'est, ben, la poésie, hein, ça oui, voilà. va un peu ensemble. Et donc, quand j'écris, j'entends comme ça les phrases se faire dans ma tête, et si ça cloche, un peu comme un mauvais accord, ouais. là, je reviens et je lis beaucoup à voix haute. Ma première formation, elle était en théâtre aussi, donc nécessairement, j'ai besoin d'équilibre oui. Intérieurement dans la voix qui porte. Là. En traduction, j'imagine que même tu... Chose. Ben, c'est ça, parce que moi, je traduis aussi et oui. je marche à voix haute. Oh, oui, absolument. Je me relis à voix haute, oui. sinon ça ne marche oui. pas. Oui, puis on veut retrouver, non pas sa propre voix en traduction, mais on veut retrouver la voix de l'autre. Exactement. Hein? Voilà. Exactement. Je pense que j'ai posé aucune des questions que j'ai écrites. Oui, il y avait la question sur la mère. Est-ce qu'on est en manque de mère quand la mère lit? Ça c'est une question auto-culpabilisante parce que je suis une mère qui lit. Je me demande, là, toi, d'un point de vue de fille. D'un point de vue de fille, je dirais non, parce que j'ai été une mère qui lit beaucoup et ma fille n'est pas en manque de mère, donc la tienne ne doit pas l'être non plus. Non, les miennes sont lisent. Ou les tiennes lisent. Bon, la mienne aussi lit énormément, mon fils également, donc non, je pense pas. Dans mon cas, c'est parce que je n'ai pas... ce que je constate, c'est que ma venue à l'écriture est directement liée au bris de langage entre ma mère et moi. Mm-hmm. On n'a pas de territoire commun. Le seul territoire commun, en fait, même est si assez... vous lisez tous les deux. Oui, oui, exactement. On ne lit pas les mêmes choses et elle n'a lu aucun de mes livres. Non, ma mère, elle ne s'intéresse pas à ce on que je fais. On ne s'intéresse pas à pleurer, là. J'ai presque l'eau qui me monte. Non, il ne faut pas. C'est ce qui fait de moi une écrivain. Je les découvre maintenant. C'est pour ça que j'écris. C'est-à-dire parce que j'ai eu à comprendre nécessairement pourquoi j'écrivais. Et ça me vient, entre autres, du choc de lecture que j'ai fait quand j'ai lu Dancing with the Dead de Margaret Atwood. Mm-hmm. Je ne suis pas une fan de Margaret Atwood. C'est horrible de dire ça, là, mais je vais le dire quand même. Oh oui, je te rejoins dans le club, bon. On est deux. Okay, on peut lancer une page Facebook. Ouais. Mais j'étais intéressée quand même à voir son parcours, et parce que c'est vraiment sur sa démarche d'écrivain, hein, Dancing with the Dead. Donc, je lisais ça, puis bon, c'est correct. J'apprenais des choses, je réfléchissais. Puis je suis arrivée au... Je pense que c'est le dernier chapitre. Et dans le dernier chapitre, il y a un sous-titre qui dit « For whom are you writing? » Et j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai découvert que toute mon œuvre avait été écrite, en fait, dans la tentative de récupérer un langage qui on n'a pas de langage commun, ma mère et moi. Donc, c'est vraiment ça. Dans le fond, j'écris pour une mère qui ne me lira jamais. Donc, la littérature sauve des vies? La littérature m'a permis, justement parce que j'ai cru que j'étais venue à la littérature, parce que j'avais vu ma mère lire beaucoup, et que je pensais que l'amour d'une mère se cachait entre les pages ou entre les lignes d'un livre. Mais je n'ai pas de peine, ou je ne suis pas amère par rapport à ça, parce que ça m'a permis d'être profondément amoureuse du langage et d'y être attachée presque autant qu'à ma propre vie. Merci. Sylvie Nicolas. Ce fut un grand plaisir. Merci pour ce beau livre, Les variations Burroughs. On peut te rencontrer tous les jours en lecture chez Druide. Oui, je suis là. En tout cas, aujourd'hui, à plusieurs reprises. Et puis, demain, je n'y suis pas, mais samedi, je pense que je suis de retour. Ça fait que ça se trouve sur la page web du Salon du Livre. Je te remercie bien gros. Et moi aussi, je te remercie beaucoup. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Barberie, la Boîte à pain Café Napoli, le Bal du Lézard, ainsi que l'Hôtel Château Laurier. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. CKRL tient à remercier Télé-Québec, partenaire de premier plan lors de son Radioton. Télé-Québec innove et s'implique en offrant une programmation différente et diversifiée. Les artisans de la radio et de la télévision unis par la même passion. Merci d'investir dans la mission de CKRL. En avril, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 6 avril, le programme Kino Québec. Le 16 avril, les aventuriers voyageurs, la Grèce. Le 24 avril, l'Opéra national de Paris, la Fanciulla dell'Ouest. De plus, ne manquez pas nos projections spéciales dans le cadre de l'édition 2014 de Québec Exquis, les 19, 20, 24, 26 et 27 avril prochains. En avril, procurez-vous la carte Abonne-Clap et mentionnez la promotion CKRL. Et obtenez une carte cadeau de 5 $ au comptoir de rafraîchissement du Clap. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. Ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des Congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque, dont l'auteur de Game Over, Adam, et le second père de Spirou, Jean-Claude Fournier. Venez nous rejoindre en direct au Centre des Congrès le vendredi 11 avril dès 17h30 ou écoutez-nous en direct au 89.1. Futur Sam, c'est quoi? C'est un magazine de culture scientifique où l'on conjugue la science au présent. Où participent les chroniqueurs et les invités qui nous informent sur la science et ses mystères. Futur Simple, depuis 1997, c'est plus que parfait. Futur Simple à l'antenne de CKRL à l'indicatif 89.1 sur la bande FM. Futur Simple, conditionnel à votre présence tous les jeudis soirs. Avec François Grégoire et Valérie Levé. On vous attend jeudi prochain, c'est impératif. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des Congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Ça roule en fou aujourd'hui. Mon premier respire. Salut, Denis Lelièvre. Salut, Bébelle. Deuxième fois que tu passes à l'émission dans 2 jours. Tu as fait ton petit tour du salon et tu m'arrives avec une pile de livres. Tu as découvert des choses. J'ai fait un petit tour, pas complet, là, parce que. Non, c'est trop grand. Là, tu vois. Je veux juste te mentionner, d'abord, à l'instant même, qui est une des maisons que j'aime le plus, qui a développé un volet théâtral depuis quelques années avec l'instant scène. Il n'y a pas tellement de livres qui s'écrivent sur le théâtre. On publie des dramaturges, mais des livres sur le théâtre. Il y en a eu un par Bernard Gilbert, qui, à mon avis, mériterait d'être en nomination pour le gouverneur général du Canada comme essai, un livre sur Robert Lepage en particulier. Et là, c'est Jean Saint-Hilaire, le journaliste auquel nous étions habitués, que nous aimions beaucoup, qui a fait ça sur le théâtre parmi nous. Ton histoire en est une des popies. Ouais. Bon, 40 ans de théâtre populaire de création. Et ça, c'est vrai. Puis on les a connus au début à Québec, théâtre militant, théâtre d'intervention. Ils sont localisés dans le coin des Bois-Francs, Victoriaville, Drummondville. C'est un théâtre, enfin, le type de théâtre qui régnait dans le milieu des années 70, mm-hmm. de création collective, eux ont continué à le faire. Et c'était très à la mode dans tous les pays du monde, comme par exemple en Italie. Alors, j'ai bien hâte de le lire, et puis je pourrais en reparler, mais vraiment, ça, je trouve que c'est très intéressant. Je parlais de dramaturges. Il y a de jeunes dramaturges, donc, qui prennent de plus en plus d'importance. J'ai interviewé mm-hmm. il y a quelques semaines Jean-Philippe Lehoux, qui écrit, comme c'est le cas de la plupart, mm-hmm. autant pour les adultes que pour la jeunesse. Et il y a Danny Boudreau, un peu, qui est un peu de la même génération. Leurs textes sont de plus en plus montés à Montréal, en tout cas. Mm-hmm. C'est Descendance, écrit, co-écrit par Danny Boudreau et par Maxime Carbonneau à l'instant scène. Donc, je veux lire ça. Je comprends. J'ajouterais, il y a quand même la maison, petite, toute petite maison d'édition, somme toute, qui oui, publie ben du bon. Théâtre. Oui. Et vraiment, là, je découvre des textes ben, où, oui. c'est vrai, non? Tout à fait. Des trucs qu'on n'a pas vu passer, qu'on n'a pas vu sur scène. Des fois, j'ai l'impression, des fois, c'est comme un terroir aussi. C'est sûr qu'il y a un dramaturge éditeur qui a toujours publié ouais. beaucoup, là, mais. Mais, c'est comme mais dans si... les mais petites ça... maisons d'édition qu'on connaît moins, quand même, le théâtre a un peu sa place. Et les MEA qui ont publié un oui. petit peu aussi. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens n'ont pas développé l'instinct ou l'habitude d'acheter des textes de théâtre. Ouais. Parce que quand on va dans des librairies, en général, il y a juste quelques exemplaires près de la poésie. Ouais. Ils ne sont pas en pile comme dans les romans. Et moi, je ouais. rêverais toujours des fois que, comme on le voit pour le disque ou pour certains livres, ouais. qu'à la sortie, par exemple, d'une salle, d'une pièce présentée à mm-hmm. Albert Rousseau, où il y a 1000 personnes, ouais. qu'il y ait « Ah, ce texte-là existe, il est publié. Mm-hmm. » Je suis certain qu'on en vendrait une vingtaine. Ça existe, hein? Des fois, ça se fait. Oui. Je suis déjà allée voir des pièces où ça se vendait. C'est ce qui est toujours un peu triste, c'est qu'il faut payer cash. Qui a encore du cash dans ses ah, poches? Oui. Ça, ça fait que logistique. Oui, on apprend que ça existe, mais... Mais on a laissé mais... notre cash au stationnement, par ou, exemple. Oui, ou bon, en tout cas, on ne l'a pas sur soi, on paye tout en carte. Fait que, mais oui, je l'ai déjà vu au Grand Théâtre. Oui, mais au il Grand faut, Théâtre, ça se fait. Mais tu as raison, ça faudrait être généralisé. Là, par exemple, les livres des pièces de Lepage, toujours oui. chez l'instant même, avec un CD oui. ou un DVD. Là. Oui. Magnifique. Oui. Ici, bon, quelqu'un qu'on connaît bien, oui. Éric Simard. Avec qui j'ai fait Ancrage dans une autre vie. Oui, Le mouvement naturel des choses, journal. Oui. Un autre type d'intervention. Et j'en profite, ce que je dis souvent à des gens de l'extérieur ou de l'étranger, mmh. comme des gens de Montréal. Non, mais c'est des fois, c'est des attachés de presse de Montréal qui m'en font elles-mêmes la remarque. Avec des gens comme Gilles Pellerin, à l'instant ouais. même, Antoine Tanguay chez Alto, Normande Bellefeuille qui vit maintenant chez Druide, et Éric Simard pour la ville, j'en oublie, là, rien qu'avec ces quatre... Ah, oh, il y a Jean Petitgros chez Aller. Oui, puis je connais, moi, la littérature ouais. jeunesse, par exemple. C'est pas jeunesse, c'est genre. Oui? Okay, littérature de genre. Bon, on pourrait même ajouter jeunesse. Je trouve qu'on a de très, très, très bons éditeurs à Québec même. Ben oui. C'est fameux. Oui. Alors, donc, ça, chez... Éric Simard est un éditeur à la collection AMAC chez Septentrion. C'est bon de préciser que c'est chez Septentrion, parce que les gens commencent maintenant, un peu comme pour les pulls, à connaître la qualité des œuvres à oui. caractère historique publiées chez mm-hmm. Septentrion, mais ne connaissent pas nécessairement la collection de fiction AMAC. Exact. Exact. L'autre, ah ben on revient à l'instant même, c'est parce que comme je te dis, ben, j'étais, oui, dans, les aimes, hein, j'étais dans le même secteur, j'ai fait une razzia. Ben, c'est David Bélanger. Qui vient de sortir. Oui, mais qui faisait partie, il a eu le temps de faire deux, trois mm-hmm. interventions de la dernière équipe d'ancrage mm-hmm. au mois d'avril et mai. Métastase, roman chez l'instant même. C'est un gars formidable, simplement pour ce que j'en connais, pour l'avoir rencontré, pour sa qualité d'analyse mm-hmm. des livres des autres ouais. que j'ai entendu. Alors voilà, j'ai ramassé ça, et puis ces gens-là, j'ai recevré un jour ou l'autre, là, je m'occupe aussi de théâtre, de chansons et de patrimoine le jeudi matin, mais disons, entre maintenant et la fin de mai, avant que le Carrefour international de théâtre arrive. Ouais. Je te remercie, Denis Lelièvre. Ce fut un plaisir. Toujours, il faudra en prendre le goût. Oui, oui, oui. Ben, je t'inviterai au bouquin d'abord, les lundis soirs. Ben oui, je suis pas allé encore. Merci beaucoup. Salut, Berbel. Bonne... On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre. Ça a roulé d'enfer ici. Là, on va arriver à une entrevue où je ne poserai pas de questions. Je présente Jean-Jacques Pelletier. Tu nous arrives avec un écrit sur l'écriture qui s'appelle « Questions d'écriture ». Fait que les questions sont déjà dedans et les réponses à tes lecteurs. Moi, je suis une grande fan, tu le sais, de tes gestionnaires de l'Apocalypse que tu as publié chez À lire. J'avais lu à l'époque ton « Écrire pour inquiéter et pour, oui, et pour construire ». Exact. Et je le trouvais... Bon, d'abord, il y avait des fautes, beaucoup. Mais il y avait... il me manquait des choses. Et là, j'ai l'impression que je l'ai au complet ici. Tu l'as repris, non? Bien, d'abord, une précision, c'est que ce qui avait été imprimé, c'était le brouillon. Il y avait une erreur. Ah, dans ton cas, un brouillon, ça doit être... Non, mais c'était ça. Ce qui a été imprimé, c'est le premier texte que j'avais envoyé à... Puis même, tu sais, il y avait des E accent aigu à la place d'un point au bout d'une phrase. Exact. Mais on s'en est aperçu plusieurs années après, parce que tu te relis pas. OK. Et c'est une erreur de manipulation. C'est le mauvais fichier qui a été envoyé à l'imprimerie. Et moi, à l'époque où je l'ai lu, où j'en ai parlé à la radio, je ne l'ai pas dit. Parce que je trouvais quand même que c'était un livre important. Mais je sais que ça restait toujours en dessous de ma pile des livres qui m'agaçaient. Mais c'était la raison pour laquelle je voulais le refaire. Puis en fait, j'ai plus que refait le livre. C'est pas vraiment... Ben, c'est trois fois plus. C'est... Oui, puis dans ce que j'ai gardé, il n'y a pas grand-chose que j'ai gardé. J'ai gardé j'ai gardé le souci de répondre aux questions des gens parce que le livre est fait au complet à partir des questions des gens. J'ai regroupé les questions pour donner une structure au livre. Et je me suis rendu compte après coup que j'avais réussi un peu mieux que je croyais parce que je me suis rendu compte seulement après coup de la structure globale du livre qui commence par quelque chose qui est très personnel, très émotif, c'est-à-dire les premières, qu'est-ce qui nous amène à l'écriture. Oui. Ensuite, on passe beaucoup plus par le travail d'écriture, le rapport aux autres et à la fin, une réflexion sur tout ça, entre autres par une entrevue avec Sylvain. Et je me suis rendu compte, au fond, c'est la démarche normale de n'importe quel être humain. Tu commences noyé dans l'émotivité et tu finis par être capable de porter un regard sur ce que tu as fait et sur ce qu'il te reste à faire. Les questions, est-ce que les lecteurs t'écrivent, ils viennent te voir? C'est une question que j'ai notée de façon régulière pendant 20 ans au Salon du Livre. Des courriels aussi, oui, souvent des courriels. Des questions que des amis m'ont posées, des questions que les éditeurs m'ont posées, que les réviseurs m'ont posées. En fait, c'est des questions qui viennent de partout. Mm-hmm. Et je trouvais ça intéressant parce que si on ne veut pas faire de l'écriture une activité que je dirais là, narcissique et purement là, coupée de tout le reste, ben, je pense qu'il y a nécessairement dans l'écriture une volonté de rejoindre les autres. Et c'est intéressant de leur donner ensuite la parole et de répondre. Ça fait un début de conversation. J'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, tu vois, il y a plein de post-it là-dedans. Je me suis retenue pour le reste parce que je me suis dit ça va avoir l'air complètement fou. Et j'ai pris plutôt des notes à part. Mais parle-moi, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Je te dirai après pourquoi. Parle-moi de Proust et de Joyce. Pas de Joyce, de Proust. C'est que la structure, moi, les écrivains que j'ai lus le plus en faisant le gestionnaire, c'est Proust et Gide, plutôt que Joyce, parce que c'est... Oui, moi, c'est l'opposition. Moi, je les vois en opposition. Ouais, je les lis comme ça. Ben alors, Proust, je trouvais ça intéressant parce que sa réflexion sur l'écriture... Elle est incarnée dans un souci d'écrire et dans un souci de rejoindre les gens. Tandis que Joyce, pour moi, c'est plus un auteur qui incarne cette fameuse attitude « méritez-moi ». Oui. Je vais tout faire pour vous déjouer, mais comme je suis un auteur et comme c'est moi qui compte, bien, faites le travail, essayez de me découvrir pour voir si vous êtes capable. Et Joyce avait lui-même dit que le but... poursuivait, c'est que dans 100 ans, on n'avait pas encore compris son livre, de sorte que ce serait la meilleure façon de rester au programme dans les universités. Tu sais, c'est une stratégie de de mépris envers le lecteur. C'est une stratégie de mépris, de maîtrise, je dirais. De vouloir contrôler aussi longtemps qu'on peut. Et c'est pour regarder la façon dont Joyce traitait les gens autour de lui. Bon, Proust n'a pas toujours été élégant, mais Proust avait quand même un certain sens. Je veux dire, il a payé de sa personne tout ce qu'il a sacrifié à la littérature, tandis que Joyce sacrifiait plus volontiers les autres, je dirais. Oui, oui, moi aussi, je voyais ça comme ça, et je vois certains liens. Mais ce qui est intéressant dans ça, moi, c'est que je regardais, ça m'a donné le... Parce que les gens, souvent, opposent littérature populaire, littérature reconnue plus littéraire, et... Ce qu'on oublie souvent, c'est tout le travail de structuration et tout le travail d'emprunt qu'il y a de une à l'autre. Oui. Beaucoup des techniques qu'on trouve très savantes dans la littérature dite littéraire ont été empruntées à la littérature populaire. Et souvent, la littérature populaire va emprunter à ce que les gens appellent la grande littérature. Alors, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas étanche non plus, il me semble, parce que... Là, comment je te dirais ça? On ne sait pas aujourd'hui ce qui va se rendre dans 100 ans, malgré ce que M. Joyce a pu en penser. Ben, d'abord, il y a le fait que la lecture comme telle, jusqu'à un certain point, est en crise. Il y a aussi le fait que les gens vivent de plus en plus dans l'instant, sont de moins en moins intéressés à savoir ce qu'il y avait avant eux, parce que tout commence avec eux. Alors, dans un monde comme ça, une postérité, c'est peut-être un peu illusoire. Illusoire, mais moi, je pense à un de mes cours de littérature allemande à l'université où on avait comparé ce qui était les best-sellers au 19e siècle et ce qui était encore au corpus rendu dans les années 80 à l'université. Ben, il n'y avait pas un livre qui avait survécu. C'est parce que chaque époque relie les auteurs du passé avec ses problèmes actuels, avec son regard actuel. Et je te dirais, même les auteurs qui durent, les contemporains de ces auteurs-là seraient très étonnés de voir ce qu'on y lit. Oui. Tu sais, je te donne juste un exemple simple. Tu sais, McLuhan qui voyait dans Shakespeare le témoignage des effets de l'oralité, du passage d'une civilisation orale à une civilisation écrite. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de contemporains, y compris Shakespeare, qui voyaient ça dans Shakespeare. Effectivement, effectivement. Moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, d'où c'est là que je pense que j'ai mis le plus de post-it dans ton livre, c'est ton rapport à la lecture qui m'a rassurée beaucoup. Parce que tu le dis, pour être un bon écrivain, il faut lire. Oui, ben c'est ça. Moi, je trouve... J'ai toujours dit que l'écriture, c'est plus une question d'estomac qu'une question d'illumination. C'est-à-dire, je trouve toujours ça un peu désolant, les jeunes auteurs qui ne veulent pas lire pour ne pas être influencés. Mais ou qui le disent qu'ils ne lisent pas, et peut-être qu'ils lisent quand même. Mais on ne peut pas ne pas être influencé. Parce que, regarde, le mécanisme premier d'apprentissage de l'être humain, c'est l'imitation. Mm-hmm. Et à force d'imiter, mais d'imiter un peu différemment chaque fois, on finit par être original. Et l'originalité, c'est l'espèce de petit résidu qui fait en sorte que tu n'as pas seulement imité. Ouais. Mais personne ne réinvente la langue. T'sais, si tu voulais, bon, il y a eu quelques tentatives là, un peu folles, mais on ne peut pas couper l'activité d'écriture de ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Non, effectivement. Et on me fait signe que c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est-tu affreux que ça passe vite? Merci Jean-Jacques Pelletier. C'était très généreux de venir nous voir. Je souhaite beaucoup de succès à Questions d'écriture, réponse à des lecteurs. J'imagine qu'on peut te rencontrer autant chez Urtubis que chez Alire. Oui. À partir de samedi. Un peu aujourd'hui, mais demain, j'y suis pas. Parfait. Je te remercie. Bye-bye. Little black submarines operate a please, put me back on the line. Told my girl I'd be back, operate a please. This is wreck. in my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. C'est déjà presque la fin. Aujourd'hui, nous avons rencontré Gilles Lévesque, Laurent Cantric. Gilles Lévesque qui a écrit ce livre où il ne répète aucun mot. Laurent Cantric, illustratrice bordelaise qui est en résidence ici à Québec. Milena Babin pour son livre Les fantômes fument en cachette chez XYZ. Bach, Estelle Bachelard pour sa BD C'est pas facile d'être une fille, publiée chez Mécanique Générale. Et Sylvie Nicolas, Variation Burroughs chez Druide. Et à la toute fin, je me suis entretenue avec Jean-Jacques Pelletier pour Questions d'écriture chez Urtubiz, mais qu'on peut aussi rencontrer, évidemment, chez À lire pour ses polars. Demain, on est de retour à midi. Je vais déjà vous donner un peu le menu. Je vais rencontrer Sarah Lazzaroni pour le livre Patchouli. Sarah Lazzaroni, c'est cette jeune auteure qui a écrit son premier roman à 19 ans. Elle a maintenant 20. Et c'est vraiment un petit bijou, ce Patchouli-là. Je vais rencontrer Maude Poisson pour son recueil de nouvelles saccades. Annie Cloutier qui va venir nous parler de son essai Aimer, materner, jubiler. Maude Veilleux pour son roman Les vertiges des insectes. C'est son premier roman, mais pas son premier ouvrage. Et il va avoir une table ronde sur le polar québécois. Je vais recevoir Martine Latulippe, Richard Sainte-Marie, Benoît Boutillette et Jacques Côté. Et tous les quatre ont publié une nouvelle dans le très beau recueil de nouvelles « Le crime à la librairie » qui est paru chez Druide aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire au salon? Bon, c'est sûr que c'est toujours le fun de venir ici et de se promener dans les allées, de découvrir des livres, mais surtout de rencontrer des auteurs. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont organisées. Aujourd'hui, à 15 heures, là, c'est un choix tout à fait personnel. Il y a une rencontre d'auteurs avec Marie-Claire Blais, qui est l'invitée d'honneur de la journée. Et Marie-Claire Blais sera aussi présente à 17 heures à la remise des prix littéraires parce qu'il y a un prix qui est remis à son nom. Depuis que moi, j'y vais à ce prix-là, je n'ai jamais vu qu'elle était là sur place. Donc oui, il y a 3 ans, elle était là, mais cette année, elle sera là aussi. À 16 heures, il y a une rencontre d'auteurs où on peut re-entendre Sylvie Nicolas que j'ai reçue tantôt avec Annabelle Lyon et Luc Bureau. Ça, c'est à l'espace Tandem. La remise des prix littéraires cette année, c'est à la grande scène Archambault et non pas à la scène jeunesse, comme les autres années. À 20 heures, il y a une table ronde « Écrire la science, un travail de création » avec les lauréats du prix Hubert-Reeves, qui est remis justement à 17 heures, et Michel Leboeuf et le docteur François Reeves, qui est le fils de M. Reeves. C'est un sujet qui est quand même... Faut qu'on en parle. Il y a tellement de publications. Comment on aborde la science? Et là, on arrive à demain. Il y a, on vous a parlé tantôt, Jacques Vaillancourt vous a présenté la maison d'édition Franfroid. Et à midi demain, il y a le combat des personnages BD. Ça, ça a lieu tout de suite quand on rentre ici dans le salon à droite au Café Rencontre BD. C'est demain à midi en même temps que notre émission. À 13h, la cérémonie de remise des prix des collégiens. Ça, c'est animé comme à chaque année par Stanley Péan. Ça, c'est à la Grande Scène Archambault. À 14h, la table ronde prix littéraire des collégiens, où là, on va présenter comment y arrive à ça et les finalistes vont se présenter. À 15h, tout de suite suivi, on est effectivement ici dans les prix. Une table ronde sur la question, qu'est-ce que ça apporte les grands prix littéraires? C'est quoi l'impact sur l'écriture et sur la vie d'un écrivain? Qu'est-ce que ça fait aussi pour les attentes qu'on a du coup à des écrivains? Parce que ça peut être très, très lourd. Ça, c'est avec Marie-Claire Blais, Dany Laferrière et Léonora Miano. Là, je vais aller un peu vite. Bon, oui, moi, 17h30 demain, dialogue, écrire pour vivre avec Hélène Dorion et Louise Dupré, que tous les deux, je vais les recevoir samedi. Et c'est deux livres, pour moi, vraiment, qui vont ensemble. Je regrette de ne pas les recevoir en même temps. Ça, c'est... je me suis promise d'aller voir ça. Et à 18h, une table ronde, La mère dans tous ses états, écrire sa joie et son désarroi avec Diane Lavoie. Margaret Anderson, j'ai présenté son livre à l'émission, Les bouquins d'abord, Annie Cloutier qu'on reçoit demain, et Caroline Allard, La mère indigne. 19h, rencontre d'auteurs avec Patrice Coquereau, Michel Plou et Léa Clermont-Dion. Qui m'a l'air tout à fait intéressante aussi. À 19h, une table ronde, écrire un polar, la tentation de tout écrivain. Il y aura Martin Michaud, Samuel Archibald et Armel Job. Vu que nous aussi, on fait une table ronde sur le polar, des fois, je me demande si j'ai parlé à quelqu'un du salon. Je remercie tout le monde qui est passé aujourd'hui. Merci à la technique. Et on se retrouve demain à midi. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Les bouquins d'abord vous a été présenté en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Revenez-nous demain dès midi. Ici Raymond Poirier, animateur de La vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque, dont l'auteur de Game Over, Adam, et le second père de Spirou, Jean-Claude Fournier. Venez nous rejoindre en direct au Centre des congrès le vendredi 11 avril dès 17h30 ou écoutez-nous en direct au 89.1. Du 9 au 13 avril, le 27e Festival de la BD francophone de Québec vous invite à une foule d'activités et de rencontres.